Les Américains ont préparé, et ils préparent, pillés à piller, pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toutes parts de s'élever. Il faut les soldats, les armées, les avions, des cuirassés. De là, ce sphère auquel il paraîtrait que les gouvernements de l'Amérique auraient eu le culot de penser. Nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Et parmi ces ennemis, la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés. Tout cela est très bien. Mais je ne savais pas, les Américains, un peuple aussi guerrier. Pour se battre, il faut recevoir des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre. Mais ils avaient toujours devant eux comment surables armées de tanks, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de bouclier. J'ai vu beaucoup se battre, les Américains et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des machines. À l'infini derrière les hommes qui les conduisaient. En face du peuple qui fait manger à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester. Pour la remplacer par des ersatz de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre d'où il est né. Je parle des Tarahumaras. Mangeons le peyote à même le sol. Pontons qu'il naît et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire et qui crée la croix des espaces afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se remonter ni se croiser. Qu'ainsi, vous allez entendre la tombe de tout le monde.